Satan ne veut absolument pas que les gens arrivent au niveau de la connaissance de la vérité qu'il libère. Parce que quand on y va doucement, vous voyez, petit à petit, il risque d'avoir des irritations. C'est pourquoi je m'arrête chaque fois de temps en temps pour vous demander, frère, vous m'aimez? Parce que je sais ce que Jésus a fait. Il se pourrait qu'on soit comme ça, même ami, bon ami. C'est la parole qui nous sépare. C'est-à-dire que quand la vérité sort, on est obligé de prendre position pour la vérité. Au détriment du sentiment humain. D'accord, bien aimé? Et souvenez-vous de ceci. Lorsque la caméra filme là physiquement, il y a une autre caméra qui est invisible. Cette caméra-là filme et la scène physique et la scène spirituelle. Les pensées des cœurs filment et se projettent dans une bande qui ne peut pas se rouiller, qui ne peut pas se perdre. Ici, cette bande-là, il suffit que quelque chose arrive aux mémoires et puis c'est terminé. Là-bas, c'est stocké au ciel. C'est-à-dire que personne ne pourra dire à Dieu que je n'avais pas compris. C'est pourquoi Dieu fait tout et tout pour que ses enfants, ceux qui l'aiment et qui s'est choisi d'avance, soient toujours confrontés à la vérité. Donc tu peux être dans le faux durant des années et Dieu permet à ce que tu viennes dans le vrai. Pourquoi il permet que tu passes dans le faux? Pour que quand tu vas confronter la vérité, tu vois la différence avec l'endroit où tu as toujours été. Ce que tu as toujours entendu. Et l'autre chose qu'il sait, c'est que quand on va prêcher la vérité toujours, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'intérieur qui vont percevoir. Malgré quand on regarde comme ça, ce n'est pas tout le monde. C'est ce que la Bible montre. D'accord? Malgré que Noé a pu prouver en construisant l'arche, en disant aux gens tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'entre eux. Ça vous fait quoi là? Tout ce que les gens avaient à faire, c'est d'entre eux. Malgré qu'ils n'ont pas participé à la construction, c'était d'aller comme ça. Et puis c'était terminé. Jusque là, frère, ils ont refusé. La Bible déclare que le jour ils sont rentrés dans l'arche. Quand Noé a fini de construire l'arche, quand il est entré, souvenez-vous de ceci. C'est Dieu qui a fermé l'arche. C'est pas Noé, parce que si c'est Noé qui avait fermé, il pouvait avoir la miséricorde dans son camp, disant ouais, ça c'est mon voisin, ça, c'est mon voisin qui est passé sur l'eau pour envoyer la main pour pécher. C'est Dieu qui a fermé. La Bible déclare quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. D'accord? Ok, donc il se pourrait donc que les gens écoutent comme ça là, le cœur plutôt s'endurcit. Et à chaque fois que tu vas écouter, la prochaine fois tu ne pourras plus entendre la vérité. Tu vas seulement entendre ça, plus recevoir. Et souvenez-vous, c'est comme ça que le Saint-Esprit commence à se manifester au travers de notre vie. Merci, Père. Voilà. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose, Jésus a donné plusieurs paraboles pour signifier que la seule façon pour qu'il fonctionne, vous savez, il dit qu'on ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres. Il dit qu'on ne coupe pas un tissu neuf sur le vieux. La seule façon de faire, c'est de se débarrasser de lui. De laisser les choses nouvellement, que les choses entrent. Donc, quoi dimanche, ça, le Saint-Esprit permettra, s'il le permet ainsi, qu'on prie dans ce sens-là, dans l'optique de que lui-même nettoie des choses que nous avons ingurgées dans notre système-là, qui ne le glorifie pas. D'accord, bien-aimé? Qu'il vienne le faire. Parce que si vous voudrez l'enlever par vous-même, vous ne pouvez pas. C'est lui qui peut le faire, le renouvellement de l'esprit. D'accord? Et que le Seigneur nous donne aussi que notre volonté ne résiste pas. Satan ne peut pas. Seule ta volonté qui peut empêcher au Saint-Esprit d'agir. Vous lui dites oui, il le fait. Vous ne dites pas oui, il ne le fait pas. Alors quand vous êtes devant la parole, vous pensez que qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que la parole, c'est la parole vient de Dieu. La parole est Dieu littéralement. Un de ses attributs accouchés sur les papiers. Donc si vous confrontez à une parole, vous dites non, je attends que Dieu me dise ça en vision. Vous allez attendre longtemps. J'attends tant que Dieu ne me parle pas, ne me convainc pas. Non, c'est pas, ne prie pas, parce que déjà quand tu ne peux pas répondre, tu continues à prier. Donc il faut comprendre que la parole a dit quelque chose, vous devez dire seulement Amen. Amen. Je continue le temps que ça arrive. Vous vous souvenez dans Luc au chapitre 16, si vous lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 31, on parle là-bas des riches et de Lazare. Vous savez de ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas une parabole. Le Seigneur Jésus raconte quelque chose qui est arrivé. Parce que dans les paraboles, on ne cite pas les noms. D'accord? Ok. Je vais vous donner seulement ce que le riche l'a fait. Quand le riche l'a arrivé au séjour des morts, quand il a compris la réalité de là-bas, il n'avait plus de possibilité de rentrer sur la terre pour demander pardon à Dieu. Alors il a commencé à négocier pour ses frères qui se trouvaient sur la terre. Que s'il te plaît, fais au moins que Lazare puisse aller à Metz. J'ai 5 frères dans la maison. C'est pour les prévenir afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il n'a plus de possibilité de rachat. Mais il dit que il sait directement que ceux qui sont sur la terre ont encore le pouvoir d'être rachetés. Vous comprenez? Il dit donc à Abraham que Père Abraham, mais si un des morts revient vers eux, ils croiront. Vous savez ce qu'Abraham leur a dit? Ils ont sur la terre les prophètes et les pauvres garçons qui prêchent. Qu'ils croient. S'ils ne croient pas, ils viendront là-bas. Vous saisissez? Donc, n'attendez pas à ce que. Ne confrontez pas, ne tentez pas. Tant que Dieu ne me dit pas la vision, je ne crois pas. Et si l'autre, votre souffle, vous expirez, vous retrouverez où? Abraham a dit que Dieu ne prie pas tes cinq frères. La même erreur que tu as faite avant de venir là-bas. S'ils font cette erreur, ils viendront là-bas. Parce que le Seigneur jusqu'à là a dit que je viens et ma rétribution entre mes mains pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il dit que celui qui est injuste soit encore, qui ne prie pas quelqu'un. Que, ne crois pas que Dieu. Non, non, je suis assez belle pour aller en enfer. En enfer, il y aura les vraies beautés là-bas. Donc, tu n'es pas assez digne pour ne pas aller en enfer. Si vous pouvez avoir le cran pour comprendre que l'enfer est fait pour tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, vous prêterez attention à cette parole-ci. D'accord? Abraham dit, s'ils ne les écoutent pas, ils te trouveront. Pourquoi le riche dit qu'on envoie quelqu'un dire à ses cinq frères? Parce qu'il sait très bien que ses cinq frères mènent le même vie qu'il menait. Abraham lui rappelle qu'il y avait des prophètes qui ont parlé là-bas. Ils ont la loi de Moïse, ils ont négligé. Qu'est-ce que ce verset veut nous faire encore comprendre? Que Dieu a mis la voix pour que tout le monde puisse venir à lui de la même façon, la parole. D'accord? Amen. La Bible déclare qu'il a mis en évidence l'immortalité par l'évangile. C'est-à-dire pour que tu sois immortel, vous devez croire cette parole. C'est le négliger comme vous voulez. Ça accorde l'immortalité. Alléluia. Amen. Il dit, la parole de Dieu accorde l'immortalité. C'est-à-dire quelqu'un qui était languissant, une âme qui était destinée pour la destruction, pour la géhenne, reçoit et accepte la parole de Dieu et le zoé de Dieu vient. Vous savez, bien aimé. Donc comment avez-vous dormi? J'imagine que vous commencez à penser maintenant que c'est tout. Votre vie spirituelle qui est chamboulée. Puisse le Saint-Esprit chambouler ainsi et venir s'installer lui-même. Amen. C'est ma prière. C'est-à-dire que c'est sur quoi nous nous reposions souvent en croyant que nous faisons. Vous pouvez être sincèrement dans le faux. Il dit vous pouvez être sincèrement dans le faux. Il y avait une jeune fille à Londres qui avait vu un chaton en période d'hiver. Le chaton grelottait. Elle a eu la compassion pour le chaton. Elle a dit qu'il faut qu'on fasse le chauffage à ce chaton. Elle a pu remettre là le four. Le chaton est devenu le charbon. Donc vous savez le four qu'on fait les gâteaux là. Elle a ouvert là. Elle a mis là. Elle a fermé. Elle avait les bonnes intentions. Mais vous voyez la conséquence, n'est-ce pas? Elle voulait chauffer le chaton. Elle a grillé. Vous pouvez être sincèrement dans le four. Le fait que vous soyez sincère dans l'ignorance ne vous impute pas de châtiment. C'est-à-dire que si vous dites que non, en fait, maintenant vous n'êtes plus ignorant quant à certaines choses. Vous n'êtes plus ignorant. Quand vous avez entendu dans vos oreilles, faites que non, je n'ai pas entendu, C'est enregistré. Si Dieu vous dit quelque chose, vous désobéissez, vous avez votre juge, la parole. Dans Luc chapitre 12, le verset 46 à 47, la Bible déclare que le serviteur qui ayant connu la volonté de Dieu ne s'est pas préparé sera bâti d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes du châtiment sera bâti de peu de coups. Donc finalement, que tu connaisses ou que tu ne connais pas, tu seras quand même bâti. Puis encore si tu connais. Donc vous voyez qu'on n'a pas le choix, n'est-ce pas frère? La seule chose à faire, c'est se soumettre à la parole de Dieu. C'est se soumettre à la parole de Dieu. Le prophète Job a dit que j'ai plié ma volonté sous sa parole. C'est-à-dire que même si ça ne me plaît pas, parce qu'il est mon créateur, parce qu'il m'a aimé le premier, je lui obéis. Amen. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Comment on va aller maintenant? Comment on va aller? On peut commencer? Je ne sais pas s'il faut qu'on commence. J'aimerais qu'on regarde ce soir, on essaie d'examiner les caractéristiques dont des vrais et des faux prophètes, s'il vous plaît. Mais si vous voulez que ça se passe comme ça, c'est vrai qu'il y a quand même 6 points qu'on pourrait développer. En fait, le séminaire, il ne suffirait pas de développer, il parlait en détail là-dessus. Donc, si vous permettez, donc, on voit des caractéristiques des prophètes, des faux et des vrais. Et les séjours, on va voir comment la divination agit dans nos vies. Donc, dimanche, je ne sais pas s'il faut qu'on prenne un peu de temps, comme c'est dans la journée, on prend un peu de temps. Pour voir davantage comment discerner la divination dans nos vies et comment quelqu'un peut être sous l'influence de l'esprit de divination sans s'en rendre compte. Pour qu'on connaisse ces choses-là, d'accord, bien-aimé? Donc ce soir, prenons un point, les deux là, et puis développons un peu les caractéristiques dont des vrais et des faux prophètes. Donc on va voir au travers des Écritures quelles sont les caractéristiques des vrais et des faux prophètes. Vous y êtes? Bon, maintenant, vous donc choisissez, on commence par quel? Le caractéristique de vrai ou bien de faux? On commence comment? Les faux. En fait, c'est parce que vous savez qu'ils ont, ils vous ont tenu, vous voulez les détecter déjà. N'est-ce pas? Ok, donc j'espère que quand vous rentrez à la maison, vous examinez, n'est-ce pas? Examinez. N'essayez pas de tordre les écritures. Vous tordez les écritures. Le verset de 2 Pierre 3 dit que vous le tordez pour votre propre ruine. Vous tordez, vous allez vous faire du mal. Vous ne faites jamais du mal à Dieu. D'accord? Ok, donc commençons quelque part. Puisque le Seigneur Jésus a ajouté les bénédictions à la lecture de sa parole maintenant. Prenons dans le livre du. Vous avez dit qu'on commence par le faux, le vrai. Et le faux. Prenons dans Jérémie au chapitre 28. Et Jérémie. Jérémie chapitre 21. Comment parle les caractéristiques des faux prophètes? C'est plein dans la Bible, frère, c'est plein dans la Bible. Maintenant, vous allez voir, on va lire la Bible et le Saint-Esprit va illuminer. Et à chaque endroit qu'on va s'arrêter, vous allez les voir. Vous allez voir comment le Saint-Esprit a directement inscrit cela dans la Bible. Jérémie chapitre 28. Vous y êtes? Ok. Maintenant, les dernières fois, je vous ai donné Jérémie chapitre 23, de lire du verset 9 au verset 31. Vous avez essayé de lire. J'espère que vous avez lu à la maison. Maintenant, si vous lisez depuis le chapitre 26 de Jérémie, avant d'arriver au chapitre 28, vous allez remarquer que Dieu va dire à Jérémie d'aller prophétiser en parlant que Nebuchadnezzar, son serviteur, va venir, que tout royaume qui ne se soumettra pas à lui, Dieu va l'utiliser comme marteau pour le frapper. Il dit depuis le chapitre 26. Je prends ça pour vous montrer parce qu'une autre parole va sortir étant contraire à celle que Jérémie tente de prêcher. Donc, Dieu va aller donc faire. Jérémie va se tenir sur les places. Si vous prenez depuis le chapitre, prenons depuis le chapitre 26 là, même regardons quelques versets là-bas. Regardez bien. Et au fur et à mesure, donc, des caractéristiques même du vrai peuvent sortir là. Regardez le chapitre 26, regardez rapidement. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel. Toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. Qu'est-ce que Dieu donne comme ordre? N'en retranche pas un mot. N'en retranche pas un mot. Donc si Dieu dit quelque chose au prophète de dire, il va restituer textuellement tel que ça a été donné. Vous y êtes? Regardez. Verset 3. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voix. Voilà pourquoi les prophètes sont donnés. Pour que si les gens sont en train de s'égarer, qu'ils reviennent. Dieu dit peut-être écouteront-ils et reviendront de leurs mauvaises voix. Regardez bien. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé pour leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Il n'y a pas le temps de tout lire. Regardons. Allons rapidement verset 11. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de lire, amenez l'histoire. Pour voir ce qu'il en est. Verset 11. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlaient ainsi au chef et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Donc la maison de l'Éternel, le temple de Jérusalem, avait donc les gens qui venaient rendre visite. Dieu l'envoie que là où il y a la foule, que reste la parle. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu du ciel va venir détruire cette ville par le Nebuchadnezzar. Vous avez obligation de vous soumettre. Tous les sacrificateurs de l'Éternel sont là, les Lévites sont là, les prophètes et les faux sont mélangés par eux. Alors il s'est construit maintenant, il dit que cet homme-ci, Jérémie est seul dans tout ça. On se tourne vers lui, on dit que cet homme-ci, ils se réunissent entre eux. C'est les comités d'anciens. Comment vous entendez l'association des églises pentecôtistes? On les connaît, ils sont forts, plus forts que les autres. Les autres là, ils sortent de tout. Ils ne peuvent jamais savoir d'où on sort. La Bible déclare ici que alors les sacrificateurs et les chefs de peuple sont réunis. Pour dire que cet homme-ci mérite la mort. On parle de qui ici là? Jérémie. On dit qu'il mérite la mort. Pourquoi? Parce qu'il a prophétisé contre la ville. C'est-à-dire qu'ils aimeraient que Jérémie dise quelque chose qui est bien à entendre. Mais il ne peut plus le dire parce que Dieu a parlé autrement. D'accord? Regardez verset 12. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voix. Vous voyez? On va voir dans les caractéristiques tout à l'heure des vrais prophètes. Les vrais prophètes, le but pour lequel Dieu les envoie, c'est pour faire revenir les gens à la raison. C'est pour les faire retourner à la voix de Dieu. Dieu n'a pas une nouvelle voix. Les paroles, les voix de Dieu pour l'humanité ont été déjà tracées. Chaque fois, Satan fait tout et tout. Souvenez-vous, ce qu'on a vu dans le livre de Néhémie. on effrayait Tobie, Jassambala et autres là-bas, effrayait Néhémie pour le faire quitter. Pour faire quitter la mission que Dieu lui a donnée. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Le but de Satan, c'est quitter la voie de Dieu. Le but des prophètes de Dieu, c'est de faire revenir là-dessus. Se disait, on va voir distinctement là-dedans. Alors Jérémie dit ces choses-là pour les faire revenir. Maintenant, verset 13 dit, mais maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Oh là là, frère, il y a de quoi sautiller. Traitez-moi comme vous voulez. Traitez-moi comme vous voulez. Vous voyez cela? Je vous dis, il y a de ces choses glorieuses dans le spirituel. Tentez seulement d'être dans le vrai. Et vous allez voir très bien que vous vous trouvez directement, les fusils, l'artillerie, sol, air et sol de Satan sont braqués sur vous. Parce qu'il sait très bien que vous connaissez distinctement le monde spirituel. Alors, c'est là la vraie perception, commandant. Si vous avez des personnes dans votre vie, ça c'est le B.A.B.A. Il y a des gens qui sont diplômés de l'université des persécutions de Dieu. Vous saisissez? Jérémie dit ici, il dit, me voici entre vos mains. Il veut dire ceci. En fait, j'ai dit, si vous voulez, tuez-moi. C'est-à-dire que, ayez la position de Dieu. Prenez seulement position pour Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se compromettent, parce qu'ils ne connaissent vraiment pas le Dieu qui sert. Alors, au lieu de service, on peut quand même se compromettre pour faire un peu de faux. On peut quand même faire un peu de faux. Dieu va comprendre. Dieu ne comprend rien. Je me rappelle quand je m'étais converti, mon grand frère faisait le truc des bouddhistes et autres là-bas. Toutes les nuits, j'ai prié pour lui. Il était malade. Un jour, pendant que je suis en train de prier, Dieu m'a dit, va lui dire d'appeler seulement alliance avec moi. S'il le dit, impose-lui les mains, il se relèvera instantanément. On était amis, mais j'ai prié jusqu'à la sueur m'avait coulé depuis la plante, depuis jusqu'à la tête. Monsieur levé dans sa chambre, allait dans sa chambre toquer. Il ne marchait plus. Il dit que c'est aujourd'hui donc que tu vas croire. Ou bien tu me balances à l'étage là. Il dit à sa femme, que voici, on est allé au salon, il ne marchait pas, donc je l'ai porté. On est allé s'asseoir. Je vous raconte seulement quelque chose que vous voyez. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais c'est la voix de Dieu. On est allé s'asseoir au salon. J'ai dit à sa femme. Il dit que maintenant, j'ai dit ce que Dieu m'a dit. En fait, quand je suis venu à Christ, ils ont dit que je suis en train de la c'est qu'on m'a fait le lavage de cerveau. Vraiment, c'est un lavage de cerveau que Dieu doit faire. Amen. Si je ne vous fais pas le lavage de cerveau, vous ne pouvez pas le servir comme vous devez le servir. Amen. Vous voyez? Alors, elle se tenait là. Son mari se tenait là. Il dit que fais seulement alliance avec le Seigneur. Je mets la main sur toi. Je ne prononce pas de paroles. Si tu ne te lèves pas, tu ne marches pas. Appelle-moi n'importe quoi, tu peux amener. Sauf fais-moi sortir de cette maison. Sa femme était là. Il était là. Il m'a, c'est à 2h de la nuit. Il m'a dit, c'est pour ça que tu m'as fait relever. Sa femme a fait. Vous savez, elle est rentrée en me levant le pied. C'est seulement pour ça que tu me fais me réveiller à 2h. Elle a fait en allant se coucher. Lui, il a dit que ramène-moi dans la chambre. Sinon, je vais comment marcher à genoux. J'ai dit que je n'ai plus te porter pour te remettre dans la chambre. Tu ferais me démarcher comme ça. Il a marché comme ça, allait se mettre au lit. Je suis encore rentré dans ma chambre. Même elle a dit, Seigneur. J'ai entendu, le porte s'est fermé. Il dit que le 31 décembre, il ne le trouvera pas. On était le 23. Le 31 décembre, il ne le trouvera pas. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, il dit, 31 décembre, il ne le trouvera pas. Si on est dans la famille, essayez la façon diplomatique. Vous savez, quand vous avez l'amour pour les gens, je suis là de façon diplomatique, voir l'une de ces femmes encore. Il dit, au moins, celle-ci pourra être compréhensible. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Je lui ai dit, essaie de convaincre ton mari, que, essaie d'écouter cette garçon-là. Après, j'ai dit comme ça, je suis allé à l'école. En rentrant, c'est les gens qui m'attendaient. Je vois comment les pieds des gens tapaient au sol. J'ai seulement vu à distance, senti que quelque chose ne va pas. Donc, la femme n'a pas compris le sens dans lequel je parlais. Elle a mal rapporté la chose. Le but pour lequel elle disait, c'est pour qu'elle l'alerte son mari, pour que sa mère se soumette à la parole de Dieu. Elle allait plutôt lui dire que Junior a dit que tu vas mourir avant le 31 décembre. C'est tout ce qu'elle a retenu de tout ce que j'ai dit. Et je suis venu, on m'a mis dans sa étreinte là. Il m'a dit, j'ai dit, c'est la parole de Jérémie qui nécessite cette témoignage, il ne l'aurait pas dit. Il m'a dit, tu as dit que le 31 décembre va me trouver, n'est-ce pas? J'ai dit, en fait, c'est pas moi qui ai dit. Il a dit que le 31 décembre va me trouver sur cette terre-ci. Et je vais faire une réunion pour te chasser de la famille. J'ai dit, je lui ai dit, parce qu'il le dit, me chasser de la famille, ça ne me fait absolument rien. Je souhaiterais que le 31 décembre te trouve effectivement. Et que tu me chasses. Parce qu'il savait qu'il avait parlé. Le 27 décembre, il est mort. 27 décembre, il est mort. L'autre, sa femme à qui il était allé parler, ils sont venus se porter devant moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit maintenant, voici, Dieu a fermé ton ventre, tu n'as plus accouché. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en a? Jérémie dit que, me voici entre vos mains, faites de moi tout ce que vous voulez. La parole qu'il a dit là, souvenez-vous, si vous lisez du tout Jérémie, il a dit que tes paroles m'épouvantent. Quand il ferme la bouche, ça va faire trembler ses os à l'intérieur. Si vous mangez la parole de Dieu de la bonne façon, de la meilleure façon, vous pouvez vous taire devant l'injustice. pour vous taire quand il y a le faux, vous allez dire, même si vous faites n'importe quoi. Et c'est parce que les conséquences de prendre position pour Dieu, les gens n'aiment pas trop ça. Alors j'ai erré. J'ai marché avec mon sac comme ça, il y avait mon gant de toilette dedans, ma brosse à dents. Personne ne savait ce que je vivais. Je dormais dans les bancs, je dormais n'importe où, mais je chantais pour Dieu. Vous entendez? Donc dans cette petite université de l'école de Dieu, là, j'ai ma licence en persécution. Donc je sais qu'il y a des gens qui en ont pour le plus. C'est tout seulement pour vous montrer ce que Jérémie a vécu. Lui, lisez seulement tout Jérémie. Voilà. On l'a mis dans les cités sans eau, donner des pains avec de l'eau, avec du sel, pour faire plus changer d'idée. Quand on le fait changer, les on croit peut-être que la changer avec peut-être la cellule et l'isolement, on peut changer. Il vient quand on dit que Jérémie parle ainsi, parle l'éternel, le grand, il se dit, tu vois, c'est vous. Il ne peut pas changer, frère. Il ne peut pas changer parce que c'est la parole de l'éternel. Amen. Amen. Donc Dieu lui a dit dans le chapitre 26, donc d'aller parler, il a prophétisé. Maintenant, c'est tout. Allons-y rapidement donc, au chapitre 28. Ayez le temps seulement de lire la Bible. Ayez le temps de lire la Bible. Regardez, chapitre 28, à partir du verset 1 maintenant. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le cinquième mois de la quatrième année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs de tout le peuple. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Je suis dans Jérémie chapitre 28, là, d'accord? On dit que Anani était prophète de Gabaon. Et il s'est trouvé dans la maison de l'Éternel. Ce qui est quelque chose qui ne veut pas savoir. Si vous lisez la Bible, vous savez qui sont les Gabaonites. Vous devez comprendre vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que ces gens-là, le plus grand danger, c'est quand ils se trouvent dans la chose de Dieu. Amen. Si vous lisez, vous connaissez l'histoire quand dans le livre de Josué chapitre 9. Quand Dieu avait donné la puissance de détruire Jéricho, Aï et Og, d'accord? Si vous lisez l'histoire dans le livre de Josué chapitre 9, donc, les Gabonites ont appris comment Dieu avait traité tous ceux qui marchaient contre Israël. Alors ils ont usé des ruses, ils sont venus faire alliance avec nous. Ils ont fait alliance avec Israël a fait alliance avec les Gabonites et ils sont restés jusqu'à ce jour-là au milieu d'eux. Vous saisissez, n'est-ce pas? Et Josué a donc dit que parce que vous avez menti comme ça, là, vous êtes maudits, vous allez couper du bois, vous serez maudits au milieu des enfants d'Israël. Donc c'était un peuple qui n'était pas de peuple juif. Subitement, les faux prophètes se sont levés au milieu, comme ils étaient à l'intérieur, parce qu'ils ont fait alliance avec eux au milieu. Et souvenez-vous, du temps quand Saül va venir au pouvoir, Saül va tuer les Gabaonites. Et sur David, le règne de David, subitement, si vous lisez le livre des deux rois, 2 Samuel chapitre 21, la première partie, la Bible déclare que du temps de David, il y a eu une grande famille. David a consulté les temps pour savoir, on dit que c'est à cause du fait que Saül avait tué les Gabaonites. Les Gabaonites. Donc, les mots qui sont placés dans la Bible, il n'y a pas un mot pour rien. On pouvait dire tout simplement, il y avait un prophète Anania. Mais on dit Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon. Donc, ce n'est pas un prophète de Dieu. Il est prophète de cette tribu-là. Vous saisissez? Ok. Donc, il se trouvait dans la maison de l'Éternel. C'est terrible. Et là, chaque fois que je lis ça, ça me fait un genre. Jérémie est d'abord juif. Or, les juifs devaient l'entendre. Quelqu'un qui est étranger vient, il fait se trouver dans l'alliance de Dieu sans être du peuple de Dieu. Et il prophétise. Et il prophétise avec le nom du même Dieu que le vrai prophète a prophétisé. C'est bien aimé. Il y a un danger au milieu chrétien. Continuons. Verset 2. Regardez bien. Vous y êtes. Donc on dit donc ce prophète-là est venu dans la maison. Et il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Vous voyez là? C'est lui qui prophétise comme ça. Et il est dans la maison de l'Éternel. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Pour que vous soyez sûr que c'est lui qui en avait parlé. Alors maintenant, Jérémie venait de prophétiser qu'ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Le roi de Babylone va amener en captivité tout ce qui est ici. D'accord? Permettez-moi de vous expliquer quelque chose pour que vous sachiez ce que c'est que les prophètes. Les prophètes assistent au conseil de Dieu. Quand Dieu se réunit chaque fois là-bas. Vous savez, quand il y a un conseil des ministres, le prophète, il appelle les ministres, il se réunit sur un table, il cause. Des choses. Dieu n'a pas besoin de faire cela, mais Dieu veut communier avec ses enfants. Il est communique ce qu'il faut faire. On peut aller à la Bible si Dieu le permet. Regardez tout cela dans 1 Roi chapitre 22, où Michel a dit qu'il est au conseil. C'est ici. Ok, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Quand un prophète de Dieu a parlé quelque chose, tout autre prophète sur ce sujet qui va venir plus tard, même s'il n'a pas connu ces choses, parlera la même chose. Amen. C'est ici, n'est-ce pas? Amen. Si vous lisez 1 Roi chapitre 16 jusqu'au chapitre 18, vous allez voir comment Élie, en quittant la scène, avait prophétisé sur Akab et sur Jézabel. C'est normal donc que Michée, en venant, consultant le même Dieu, Dieu lui dit clairement, exactement comment Michée et Akab vont le faire. Quand ils sont allés consulter, je crois que Dieu, si Dieu permet qu'on lise là, quand on va toucher ces versets-là, on va voir. Quand Akab, Josaphat est venu rendre cette visite de diplomatie à Akab, Akab a dit montons à Ramon en Galoc. Fondamentalement, il avait raison parce que Ramon en Galoc appartenait au peuple juif. Mais c'était le moment de Dieu d'accomplir les prophètes que les prophètes qu'Élie avait dit. Alors il dit, allons-nous. Josaphat lui dit, est-ce qu'on ne peut pas monter. Il avait un peu de Dieu en lui, un peu. Est-ce qu'on doit aller faire quelque chose comme ça de si important sans consulter l'éternel? Oh, Akaba dit, voici 450 prophètes. Ici, si on a dit que. Hamof. Il a dit que je t'appelle mes prophètes. Ils ont dit, lui, tous sont depuis là-bas. Il dit, ainsi par l'éternel. Akaba, tu vas gagner. Akaba, tu vas gagner. Josaphat, qui avait un peu de Dieu, a su qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu as quelque chose de Dieu en toi, quand tout le monde fait quelque chose doit d'abord signer là-bas que ce qui est élevé parmi les gens est une abomination à l'éternel. Amen. Ce qui est élevé parmi les gens est une abomination. Il savait très bien. Si vous lisez ces passages, il n'y a pas quoi que ce soit pour que Josaphat puisse demander encore un autre prophète. Mm-hmm. Puisque tous ont prophétisé que va, tu auras la victoire. Josaphat, quelque chose en lui a dit que quelque chose ne va pas, quelque chose tournera. Y a-t-il pas un autre prophète? Regardez-là comme ça, là, comme les deux étaient assis sur le trône. L'autre a fait son trône, il y a encore un autre là-bas, mais celui-là, je le hais. Vous entendez le mot? Il dit, je le hais. Il a tourné son roi, son trône, il dit, je le hais. En fait, il me dit comme ça. Tu as besoin d'écouter celui-là. J'ai dit, ceux-ci donc sont bien formés. Tu as besoin d'écouter celui-là. Celui-là, je le hais. Il ne dit jamais rien de bon sur moi. Comment vas-tu faire du mal et tu attends que le prophète te dise quelque chose de bon? Le vrai prophète de Dieu, comment vas-tu attendre à ce qu'il te dise quelque chose de bon quand tu es ennemi de l'éternel? Remarquez très bien comment Samuel était un homme intègre devant le Seigneur. Il faisait ce que, quand il a rencontré Saül, il lui a dit ce que Dieu lui a demandé de dire. Quand Saül a quitté le cadre de Dieu, Dieu lui a dit que je déchire l'oreille. Il est venu devant lui, ainsi par l'éternel. Oh, Dieu avait moi bien un peu essayé de compromettre devant les gens pour qu'on croit que tu es encore avec moi. Il a dit non, avant que tu n'as pas craint. Comme tu as déchiré, je vous ai dit que même c'est les regards des prophètes prophétisent. En fait, tournant, il a fait crap, il a dit ainsi par l'éternel, comme tu as déchiré, le roi m'a déchiré sur toi. Il ne peut pas prophétiser autrement, autre que Dieu n'a pas dit. Alors, Élie avait d'abord dit que c'est sur le champ de Jézé que Akab, on va lécher son sang, parce qu'il avait fait tuer là-bas, dans le champ de Naboth. Vous savez, c'est plusieurs années avant, quand Michel va au ciel, il regarde. Quand on a dit qu'il y a un autre là, je le hais. Je ne vous ai pas dit que celui que tu hais là, je vais aussi écouter sa version. Alors on a envoyé quelqu'un de diplomatie là. On est entré dans leur église, dans l'église de Miché. On a dit que viens, entre dans l'église pentecôtiste. Disons tous la même chose. Ayant un jour qu'on va parler de Babylone, si vous voulez savoir de quoi il est question. Il dit, venons, disons-nous les mêmes choses. Tenons-nous le même langage. La Bible est claire. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être accordées? Ou bien vous marchez avec Dieu, ou ne marchez pas avec Dieu. Si vous marchez avec Dieu, vous allez vous associer avec ceux qui marchent avec Dieu. Alléluia. Ok, regardez. On vient le voir, dit, Michel, s'il te plaît, au moins poussez au Jésus. Fais voir que passe. Essaye de dire quelque chose de bon au roi. Il dit, l'éternel est vivant. Je dirais ce que l'éternel parlera. Frère, vous ne connaissez pas les prophètes. L'éternel est vivant. C'est ce qui va dire que je vais dire. Parce que le prophète ne peut pas faire autrement. Donc, si tu parles, on va te construire une grande maison. On va te donner une maison avec les gardes du corps. Il est sorti de son champ là-bas avec le corps. Il a tapé le corps pour sortir. C'est tenu là-bas devant lui. Comme il voulait entendre ces paroles-là, Akab s'est tourné comme ça. Il ne le regarde même pas. Il ne veut même pas le sentir. Il dit, Michel, devant nous monter à la mort, vas-y. Lui-même, il a senti qu'il y a quelque chose de wrong. Que ce n'est pas normal que Michel prophétise ce que les autres ont prophétisé. Michel, jusqu'à quand t'ai-je dit, il devait dire la vérité. Ok, tu veux comprendre la vérité? J'ai vu tout Israël dispersé comme un troupeau qui n'aime pas les vérités. Je t'avais dit non, tu as suivi. Je t'avais dit, il a dit à Jésus, je t'avais dit, il ne prophétise rien de bon. Après, il lui a dit, je vous dis, regardez la position de Jérémie, regardez pour Michel maintenant. Il lui a dit que d'abord allons en guerre, prêtez-le rigoureusement, donnez le pain avec le. Quand je vais rentrer, je vais lui montrer de quoi ils vont le chercher. Il dit que si tu rentres, l'éternel ne m'a pas parlé. Si tu rentres, l'éternel ne m'a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'un prophète de Dieu avait d'abord prophétisé que c'est même Akab, c'est là-bas qu'il va mourir. Donc il pouvait voir dans l'avenir et regarder exactement ça s'accomplit. Comment donc Anani est un prophète? Jérémie prophétise quelque chose sur Nebuchadnezzar. Lui, il vient dire le contraire. Maintenant, prenons la position. Maintenant, je vous ai pris Michel qui est devant et Élie qui est derrière qui a dit quelque chose. Prenons-nous par rapport à cette situation et regardons un prophète qui a déjà parlé dès le passé. D'accord? Si Anani était un prophète selon Dieu et qu'il entrait dans le conseil de Dieu, il saurait que Esaïe le prophète en avait parlé par rapport à cette situation. Quand Ézéchiel était malade, il avait été guéri. Le roi, les missionnaires de Nebuchadnezzar sont venus là-bas, à Jérusalem. Il a dit, vous venez entrer dans le palais royal, vous voyez. Esaïe a entré par la suite. Il a dit que, bonjour. Qui sont ceux qui sont venus ici? Les prophètes ne posent pas des questions pour eux. Qui sont ceux qui sont venus ici? Ah oui, donc j'ai eu des missions diplomatiques ici. Vous savez comment on lit ça à la télévision chaque jour là? Des missions diplomatiques. J'ai reçu le grand, l'émissaire, l'envoyé des chefs d'État. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Je les ai monté mon argent, l'or et tout ce qui est là-bas. Ainsi parle l'Éternel. Cet argent, lisez votre livre dans l'Élu d'Ésaïe au chapitre 37, au chapitre 38, les deux premiers versets, deux derniers versets. Ainsi parle l'Éternel. Tout ce que vous avez vu là-bas, tout ce qu'on a vu là, tout ce que tu leur as montré, ira chez le roi Nebuchadnezzar à Babylone. Donc, plusieurs années avant, Dieu avait déjà parlé par rapport à cette situation. Jérémie n'avait pas lu cela. Il se tient là-bas, le même esprit qui avait parlé à Ésaïe, parle encore au travers de lui. Mais quelqu'un se tient au milieu, il dit quelque chose qui est contraire. Amen. Vous parlez, on en a parlé à l'instant, prenons un exemple pour que vous compreniez. Je vais parler de quelque chose qui se trouve dans la Bible. Ce que les gens font maintenant, c'est que la Bible en a déjà parlé. On vous y est. Amen. Prends un exemple. Lève-toi, il faut qu'on règne dans cette vie. Il faut qu'on règne dans cette vie. Nous sommes les princes et les rois de la terre. Vous avez entendu les prédications, non? Maintenant, je prends ce que Jésus a dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous pouvez dire des Apocalypse chapitre 11, verset 15 qui a dit que lorsque le dernier an, le septième an sonnait la trompette, on dit que maintenant le royaume de ce monde est remis à notre Dieu et à son Christ et ils régneront. La trompette a sonné, donc on ne peut pas entrer dans ces règles. Mais que pensez-vous donc de ces prédicateurs qui viennent dire non, on doit être à haut. Il y a des partis politiques chrétiens. On commence à prêcher, les gens sont allés à la dérive. Qu'il faut qu'on règne sur cette pièce-ci. Dieu lui dit que son royaume n'est pas de ce monde. Parce que si son royaume était de ce monde, il aurait défendu, ses serviteurs auront défendu. Si vous saisissez. Amen. Parce qu'on parle dans l'Ancien Testament, vous ne saisissez pas. Au milieu de nous, ça se vit. C'est-à-dire que Dieu a dit quelque chose par rapport à un sujet, réglé le problème. Les gens viennent prendre pour prêcher autre chose. Et si vous prêchez autre chose, vous êtes sous une mauvaise influence. Ésaïe avait dit que Nebuchadnezzar va amener ça en captivité. Le vrai prophète était là, il a dit que le moment est arrivé, Nebuchadnezzar va amener. L'autre est venu là-bas. Non. Ainsi parle de regardez bien. C'est Anani va même faire le corne de corne en terre, en bois. Pour mettre au cours de Jérémie, il est là comme ça, geste prophétique aussi. Ainsi parle l'Éternel avec ce jour, si je veux briser le jour de Nebuchadnezzar sur Israël. Jérémie, oh, mais, et le temps de l'Isle là. Jérémie va rentrer à la maison, il ne dit rien. Chaque fois qu'il y a une confrontation entre un vrai et un faux, Dieu va manifester. Il est à la maison, Dieu dit, Jérémie, ainsi va lui dire, ainsi parle l'Éternel. Il a dit, il est revenu vers lui, vers Ananias, devant les gens encore. Vers Ananias, regardez au verset là. Regardez, nous sommes au chapitre 28. Regardez bien aimé la confrontation entre le vrai et le faux. Ou bien si vous voulez, on continue. Regardez, verset 3 là, il va dire encore 12 années et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim. Lisez un roi, chapitre 22, ce qui est arrivé à ce Joachim. C'est terrible. Roi de Juda et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Ananias, le prophète, en présence des sacrificateurs et tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit, Amen. Je vais vous dire quelque chose qui se passe en milieu chrétien. Vous saisissez. Puisqu'on parle de l'esprit de divination et des prophéties. Supposons que vous venez voir un serviteur de Dieu, vous dites que l'Éternel m'a révélé que cet homme c'est mon mari. Et vous cherchez le mariage. Vous pensez que quand vous dites que Dieu m'a révélé, vous voulez que l'homme dise quoi par la suite? J'espère que vous comprenez ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que la personne veut une confirmation de la part de l'homme. Mais le problème, c'est qu'il a étudié le nom de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Quand tu dis Dieu a dit, ça règle le problème. Même si c'est faux. Je ne peux plus rien dire. Vous saisissez. Mais si tu viens en disant que j'ai eu une vision, un rêve, que telle personne semblait être ma femme, essayons d'examiner. Là-bas, c'est ouvert. On peut dire oui ou bien non. Mais quand tu dis, l'Éternel m'a révélé que je m'étais marié avec cet homme, moi, je vais dire comme Jérémie, Amen. Va te marier. Et l'Éternel révèle à toi, à une soeur, trois maris différents, le même Éternel. Quelque chose ne va vraiment pas en milieu chrétien. Donc, quand Ananias a dit cela, le prophète s'est seulement tenu là-bas, il a dit Amen. Il savait très bien que celui-là était dans les salles droits. En fait, regardez, essayez d'imaginer le prophète Jérémie et le prophète Anami. Observez-les dans votre cœur un instant. Regardez la douleur que ressent le prophète Jérémie, sachant que celui-ci est égaré, il égare les autres. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ces Anani ici, par rapport à tous ceux donc qui sont sous le coup de la fausse prophétie et les divinations. Et maintenant, tournez votre cœur maintenant vers le peuple simple qui est assis à cette scène-là et qui ne sait pas à qui vraiment maintenant faire confiance. Que des foyers brisés, que des rêves extompés, que des séparations et des contradictions en milieu chrétien à cause de ces choses. Pourquoi ne pas rester tout simplement à sa place? Et vous donc, le peuple, pourquoi ne pas obéir à la vérité? Pourquoi ne pas désirer la vérité tout simplement? Êtes-vous de ceux donc qui vont se donner de foutre de docteur? Imaginez un peu le peuple qui était assis, écoutez les deux. Le peuple qui était assis, qui écoutait les deux. N'est-ce pas, Anani, le prophète a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu. Il a bien précisé, l'Éternel des armées. Il dit, Yahweh Shabbat, le Dieu d'Israël. Il veut dire que je ne prophétise pas par d'autres dieux, n'est-ce pas? La Bible nous révèle dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, la situation si on peut comprendre ce qui s'est passé. Quand Michel s'est tenu là-bas, il a même donné l'explication de la révélation de l'Esprit qui en est parlé dans les autres prophètes. Il a dit que j'ai vu l'armée des cieux se réunir. Et Dieu a posé la question, qui montera à Ramon en Galat pour séduire à Cap afin qu'il y monte, qu'il meure. Il devait comprendre le prophète, je vous le dis. La Bible déclare que chacun répondait d'une façon ou d'une autre. En fait, pourquoi Dieu fait comme ça? Parce que l'attribut de la séduction ne se trouve pas du côté de Dieu. Dieu ne peut pas séduire quelqu'un pour qu'il tombe dans le péché. C'est ici. La Bible déclare qu'en fin de compte, un esprit impur est venu devant l'Éternel. Il a dit, moi monsieur, je suis tenu de lui, comment tu vas faire? Il dit, j'entrerai dans ces prophètes. Je vais séduire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure là que je vous expliquais quelque chose par rapport à eux. Les gens là prophétisaient véritablement par l'esprit, ils étaient sincères. Mais ils ne savaient pas que c'était un faux esprit. C'est le vrai prophète qui doit le dire maintenant. Je vous ai dit que les prophètes avaient le don de discernement des esprits. Il dit qu'il était devant le trône, il a vu un esprit s'est apparu. Il dit qu'il sera un faux. Il va un esprit trompeur dans leur bouche pour qu'il puisse accomplir pour mourir. Ceci montre donc des attributs de Dieu que Dieu ne peut pas pousser quelqu'un que quelqu'un pas mourir. Il retire seulement sa présence. Les ténèbres entrent. C'est vous savez, comme je vous ai dit à la dernière fois, vous éteignez la lumière, vous n'avez pas besoin de dire que la lumière. Il n'y a pas l'ampoule pour la lumière, l'ampoule pour les ténèbres. Je voulais dire l'interrupteur là. Quand vous éteignez, tac, les ténèbres viennent automatiquement. Quand Dieu retire sa présence, la Bible déclare dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. S'il enlève seulement son ombre, c'est fichu. Que Dieu te cache dans le rocher qu'est Christ, vous le dites. Amen. Donc, imaginez donc ce peuple qui était chamboulé par ainsi par l'Éternel à gauche, ainsi par l'Éternel à droite. Et puis maintenant, on a deux versions. Dans deux ans, ils vont revenir. Dans 70 ans. Jérémie a dit que c'était formé. C'est 70 ans qu'ils ont fixé sur vous. Donc, vous avez intérêt à s'aimer et à moissonner. Donc, préparez-vous. Dans deux ans, ça va venir. Deux ans, ils sont venus. En fait, Dieu va prophétiser. Regardez, on continue. Verset 5. Jérémie, le prophète, répondit à Ananias, le prophète, en présence des sacrificateurs. Verset 6. Jérémie, le prophète, dit Amen. Que l'Éternel fasse, écoutez bien, fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu l'existence de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Il a dit qu'il le fasse. Vous vous souvenez, quand on a vu, si on a dit dans le livre d'Ésaïe, les derniers, je ne sais pas quel jour, on a vu clairement que Dieu accomplisse ce que prédit ses envoyés. Donc ça veut dire que si Anania était un envoyé de l'Éternel, Dieu est censé accomplir. Jérémie n'a pas dit. En fait, écoutez très bien. Quand vous êtes pour Dieu, vous n'avez pas besoin de vous défendre, Dieu va vous défendre. Amen. Vous avez vu la confrontation entre Salomon, entre Pharaon et Moïse, non? Quand ils confrontaient les gens, ils Dieu au moins c'est mal le puissant. Dieu veut leur montrer que jusqu'ici on est égal. Il fait le serpent, eux aussi font le serpent Dieu. Quand ça a touché, quand le Kamnobo a touché, mais le magistrat dit que ici, Pharaon, c'est le doigt de Dieu, croit. C'est le doigt de Dieu. Dieu avait augmenté seulement le degré. Moïse ne s'était pas défendu. Il se tient là, Dieu lui dit ce qu'il faut faire. Il prend la poussière, lance au ciel, ça va devenir les mouches venimeuses. Amen. C'est ce Dieu-là qu'il faut qu'on serve. D'accord? Amen. Regardez bien, les gens de Pharaon avaient de la puissance. Ils pouvaient faire quelque chose. Donc, c'est vraiment une puissance. Les gens qui étaient devant Michel là pouvaient prophétiser parce qu'ils avaient un esprit sur eux. Mais ce n'était pas l'esprit de l'Éternel. Alors, Jérémie dit qu'il fasse donc. Pourquoi? Jérémie s'est trouvé dans un carrefour où les vrais serviteurs de Dieu doivent arriver à ce carrefour et s'il y a confrontation, prendre cette même position. Ne pas essayer de convaincre les autres que c'est toi qui as raison. Laissez que Dieu fasse le tamis, ça, le tamis. Amen. Vous savez, c'est ce que Jérémie a fait. Amen. Jérémie pouvait, par l'action du Saint-Esprit, essayer de faire quoi que ce soit pour que les gens essayent de comprendre que c'est moi le prophète, c'est moi le prophète. Les vrais prophètes ne font pas comme ça. Il est seulement tranquille, c'est ce qu'il a dit. La Bible déclare que la parole, c'est la semence, quand ça sort là, que tu veilles ou que tu ne veilles pas, ça ne dépend plus de toi. C'est, elle est rentrée chez lui. Regardons le verset 7. Après, il m'a dit seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Vous y êtes? Verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre les pays puissants et les grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Je crois que ça devait être clair là maintenant, pour tout ce qu'on a dit depuis. Vous voyez? Regardez, il a parlé quelque chose de l'avenir. Jérémie nous fait beaucoup de choses ici. Il dit qu'il y a eu des confrontations avec les prophètes dès le passé. Mais ils ont prophétisé sur les royaumes de grands royaumes. Ce n'est pas l'accomplissement de ce qu'ils avaient dit qu'on reconnaît si oui ou non ils sont des prophètes. En fait, Jérémie veut nous dire que nous sommes à égalité là maintenant. Il ne peut pas prouver que tu es faux, tu ne peux pas prouver que tu es faux. Mais Jérémie savait de quel côté il était. Oui. Verset 10 maintenant. Alors Anani le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anani dit en présence de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel. Regardez bien. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et Jérémie le prophète s'en alla. Après qu'Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois, tu auras à sa place un joug de fer. C'est-à-dire, Dieu se charge d'interpréter sa propre parole. Voilà pourquoi donc, les prophètes sont appelés les porte-paroles de l'Éternel. C'est-à-dire, si vous prenez sur le plan diplomatique, dans notre, sur le plan terrestre, quand un président doit aller quelque part dans un des, peut-être un de ses amis est décédé, il envoie quelqu'un, vous entendez que telle personne va représenter le chef de l'État. Cette personne, s'il est ministre de la Défense, il ne part pas là-bas en tant que ministre de la Défense. Il part avec l'attribut du chef de l'État. Ça veut dire que s'il y a attentat là-bas, on a fait l'attentat sur le chef de l'État. C'est ce qu'on dit. Voilà pourquoi ils peuvent dire que avec l'autorisation qui m'a été donnée, je te confesse ici à titre posthume. Vous avez l'homme lui a donné l'ordre. Il incarne cette autorité-là maintenant. Donc quand quelqu'un vient parler de la part de Dieu, ça veut dire que tout le royaume du ciel est devant, est derrière lui. Voilà pourquoi la personne n'a pas besoin de se défendre par des discours ou quoi que ce soit. Il doit seulement dire la parole et laisser que le royaume fait le reste. C'est ici. Il est rentré à la maison, Dieu lui a dit, va lui dire. Il lui a dit, tu as brisé le joug des bois, tu vois, c'est le joug des fers comme un maître. Après il dit. Le verset, ça se termine là-bas qu'Anani est mort cette année-là même. C'est pas ça? Amen. Le faux et le vrai prophète. Alors la Bible commence à. On va lire certains d'autres versets. Puisque nous voulons voir dans les faux prophètes, les caractéristiques, la première caractéristique des faux prophètes, c'est la faillibilité de leur déclaration. Première caractéristique. La faillibilité de leur déclaration. En fait, on vient de lire là-bas, ça s'est établi, n'est-ce pas? La faillibilité. Et par ricochet, si vous regardez, n'allons pas dans le vrai, restons toujours dans le faux prophète. La faillibilité de leur déclaration. Cette année sera ton année de gloire, tu traverses la postérité au nom de Jésus. Amen, j'arrache ma postérité. L'année, je suis encore traversé. Tu continues à traverser. Tu traverses, ça ne finit pas. La faillibilité. Deuxième caractéristique, vous y êtes. La deuxième caractéristique, et ceci c'est, je veux dire, c'est l'onction principale de tout faux prophète, c'est la cupidité. Amen. On va parler de la Bible, la cupidité. Cupidité. Je vais vous expliquer pourquoi la cupidité là maintenant d'après les Écritures, d'accord bien aimé? Ah, oh Seigneur c'est merveilleux ça, Seigneur c'est merveilleux. Je vais vous expliquer pourquoi la cupidité. La cupidité, c'est l'un des attributs majeurs de Satan. Vous vous souvenez, il y a ça quelques jours, vous avez dit que les disciples de Jésus-Christ ont les attributs du Seigneur Jésus. Et Jésus nous avait dit dans Jean chapitre 8, verset 44, la partie C que nous avons lue là-bas, il dit que Satan, il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il est menteur et frère du mensonge. Donc lorsqu'il parle quelque chose, il ment. Il parle de son propre choc. Donc de son, tout son être ment. Et donc, les disciples de Satan sont de la même façon, ils ne se tiennent pas dans la vérité. La preuve, voici quelqu'un donc, un représentant clair du faux prophète. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel a fait déjà dit que Israël va être amené en captivité. La parole de l'Éternel avait déjà réglé cela. Il devait savoir de quoi il est question. Ok. Maintenant, je dis, l'un des attributs majeurs, caractéristiques, je voulais dire, s'il y a un type à mettre les étoiles beaucoup là, c'est cette caractéristique-ci. Et je vais vous expliquer, on va passer un peu de temps là-dessus. La cupidité. Pourquoi la cupidité? Cet attribut donc là, ça se trouve dans non seulement les faux prophètes, de tous les faux serviteurs. Amen. C'est pour ça qu'ils sont de mettre l'emphase là-dessus. Dans tous les faux serviteurs, la cupidité. En fait, c'est parce que le démon de cupidité, c'est Satan en personne. Je veux que vous saisissiez cela. Maintenant, il faut que je rentre dans les écritures pour vous montrer, d'accord? Si vous lisez, oh mon Dieu, c'est terrible. Si vous lisez Matthieu chapitre 6, vous arrivez à un moment donné au verset 24, on dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Qui est Mammon? Répondez avec moi, bien aimé. Qui est Mammon? Le Dieu de l'argent, littéralement. Laissez d'abord Satan. Satan, c'est un de ses attributs encore. Satan veut dire accusateur. Son nom, c'est Lucifer. Il dit que Mammon, on dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est qui? Le Dieu de l'argent, la cupidité. Donc, autrement dit, vous ne pouvez pas être dans le service de Dieu et aimer l'argent comme cette personne aime l'argent. Alors, vous allez servir un autre Dieu. Voici pourquoi, si vous pouvez le discerner dans leur discours, on va voir dans la Bible, au travers de la Bible, que la Bible dit, d'accord? Donc, le discernement ici, simple, à la limite de la parole. Ça veut dire quoi? Leurs prédictions, c'est encore une du caractère là-bas. Les prédications et les prédictions tournent autour de l'argent et du bien matériel. Notez. Leurs prédications. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, les prédications et les prédictions tournent autour du bien matériel et des choses terrestres. Je vais vous expliquer dans les Écritures, je vais donner les passages et puis je vais donner les exemples pour que vous saisissiez. Peut-être en temps, vous écrivez, vous ne saisissez pas ce que je veux dire. Il faut qu'il donne des exemples pour que ça vous réveille la mémoire de là où vous avez été. Vous y êtes? Leurs prédications. Leurs prédictions. Remarquez tout ce que j'ai dit, dit prédication et prédiction. C'est-à-dire, quand il fait l'enseignement, pourquoi vous saisissez? Quand il fait l'enseignement, il va chercher les versets qui parlent de l'argent, le bien matériel, le bien-être sur la terre. Et le verset qu'il a recherché ne peut pas vouloir dire ce qu'il a de dire. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Je vais prendre des exemples pour vous montrer ce que vous avez vécu, d'accord? Ok. Jésus dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Leurs prédications et leurs prédictions tournent autour de l'argent. Tu auras des jets privés. Tu seras à la tête et non en bas. Vrai ou faux? Amen. Vous avez entendu ça plusieurs fois, non? Amen. Mais je vais vous dire ce que la Bible dit, la vérité. Dans Deutéronome chapitre 28, du premier verset, la Bible déclare que Dieu l'Éternel parle que si tu obéis, verset 13, j'ai l'Éternel ferai de toi la tête et non la queue. Dieu n'a pas dit tu seras. Alléluia. Dans l'instant, quelqu'un dit que je suis à tête, regardez ces choses-là, on fait pour que vous récitez des paroles. Je suis la tête et non en bas, je suis la tête et non en bas. Dieu n'a jamais dit ça. En faisant ça, vous faites Dieu menteur. Dieu a d'abord donné les conditions à faire pour que c'est lui qui vous le fasse. Donc on prend la place de Dieu. En fait, dans ces choses-là, c'est la doctrine de New Age qui prend la place. C'est-à-dire que là où le Dieu homme a fait place, a pris la place de Dieu. Le moi. C'est-à-dire, on a détourné Jésus-Christ de son trône. Il dit, je suis la tête d'un homme, je répète, je suis la tête d'un homme. Il n'y a nulle part où Dieu a dit que tu es la tête d'un homme, jamais. Et les gens disent comme ça, ils sont derniers de la classe. Là, ils disent comme ça, la promotion dans les emplois, ils n'ont pas de promotion. Vous ne comprenez pas que Dieu a de vous amener à l'ordre. Souvenez-vous encore de ce qu'il dit, vous ne pouvez pas forcer la main de Dieu à faire quelque chose. Amen. Vous serez seulement là. Regardez, dans Jean chapitre 3, le verset 27, la Bible déclare, l'homme ne peut recevoir du secret ce qui lui a été donné. Vous montez, vous descendez, vous dites, je vais épouser un blanc. Si c'est dans le plan de ce pas ça, monte. Tu vas voyager, aller en Bengali, comme ça, pam, pam, quand je vais me t'essuyer, on va dire dans l'avion, allez, retourne. Donc n'essayez pas de faire de la chimie comme si vous gênez trop contre ce que Dieu puisse faire quelque chose. Non. Aimez seulement le Seigneur. Désirez sa présence. Désirez lui obéir. Que ce désir-là, regardez, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Heureux. Donc le seul fait d'avoir faim et soif de Dieu, vous êtes déjà heureux. Amen. C'est ce que la Bible déclare. À moins que vous cherchez pas les versets pour la prospérité. C'est-à-dire que si vous ne parvenez pas à servir Dieu comme il faut, vous savez dans votre tête, dans votre cœur, en fait, vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Vous savez tellement que vous allez tourner en rond. Vous avez besoin de repentance. Dites Seigneur, j'ai fait tout par moi-même. Viens prendre le contrôle. À ce moment-là, vous allez commencer à avoir soif. Amen. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu, Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour du marché, il a de la fête, il dit que celui qui a soif vient et prend, boit de cette eau-là gratuitement. Tu ne peux pas boire cette eau sans avoir soif. Non. C'est déjà les soifs que le Saint-Esprit lui-même crée. Donc, n'essayez pas d'imiter. Donc, leurs prédictions et leurs prédications vont reposer sur des biens matériels, de l'argent, des choses terrestres. Les prophéties vont aller dans le truc, sur la terre. Je vais donner des exemples pour vous saisissiez. J'y vais. Si vous lisez dans le livre des Agées au chapitre 2, le verset 8 particulièrement, ils aiment tout cela. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Bon, maintenant, après qu'il dit, on a dit apportez l'or et apportez l'argent. Maintenant, si vous lisez la version anglaise, il faut bien saisir ce qu'il a dit. Il dit gold and silver. La Bible il veut parler des minéraux. Ça n'a rien à voir avec le silver et les héros. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous dire qu'ils ne se tiennent pas dans la vérité. Donc, ils vont faire dire à la parole ce que la parole ne dit pas. Donc, il dit. La Bible déclare l'or et l'argent appartient à l'Éternel. C'est ce que la Bible déclare. En fait, après qu'elle dit apportez donc cet argent-là, venez me donner. Ils veulent automatiquement dire ils sont l'Éternel. Donc ils prennent la place de Dieu. Parce que Dieu a seulement dit que l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Donc si c'était l'argent comme Sepha, alors Jésus a dit dans Matthieu 25, le verset 31 à 46, Jésus a dit que quand vous allez voir quelqu'un qui a faim, malade ou à l'hôpital, chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses, à moi que vous n'avez pas fait. Donc si normalement, je prends cet argent, je vais à l'hôpital et donne, je sens le donner à Jésus. Amen. Mais ils insistent qu'on vient les donner en prenant la place de l'Éternel. Pourtant, c'est Dieu qui a dit dans sa parole que l'or et l'argent lui appartient. Je vais dire, si cet or et l'argent étaient vêtements, le CFA, d'accord? Mais il se pourrait que ce verset ne dit pas l'argent dont on a utilisé pour acheter, mais parle des minéraux. Dieu veut dire que je suis le Dieu qui contrôle même le sous-sol. Absolument, madame. Vous voyez là, on est là maintenant. Ils ne tiennent pas dans la vérité. Pourquoi? Parce que leur père ne se tient pas dans la vie. Il faut qu'ils aient ces caractéristiques.